voici l'info que l'on a vue dans le journal. Ça va pas bien pour le super lanceur d'Ariane 5. Encore ? Oh, je crois que là, c'est la loose de chez loose. Souvenez-vous de cette fusée qui est montée, qui est montée, qui est montée, qui est tombée, qui est tombée, qui est tombée. Alors voici, nous allons contacter le spécialiste au monde des pièces de fusée. Garage, ah bah évidemment. Germain, garage, ça pouvait être que lui. Hein. Germain, c'est le garage à main. Alors, je crois qu'on est en ligne. Allô. Putain, que ça va finir par marrer, bordel. Ah, avec le pognon que ça coûte, putain. Ouais, je crois que là, il y a un problème technique, je crois. Effectivement, là. Je crois que le super lanceur est peut-être pas prêt, là. Allô. Allô. Garage à main, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Koé à l'appareil. Oui. Comment ça va? Ah bah, c'est bien. Tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'appelez? Bah, pour le super lanceur, vous êtes sûr que ça va bien? Ah genre impeccable, ça sur comme sur des roulettes. Ah bon, parce qu'on a cru deux secondes là au début du truc que ça chie un peu. Pourquoi ça? Bah je sais pas, c'était une tension des débrouilles. Ouais, vous entendez un peu vous énerver? Ah non, mais c'est parce qu'on répare à l'ancienne, garage à main, tu sais. Ah d'accord. Non, mais rassurez-vous, hein, tout va bien. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Vous devez courir à mon avis, vous devriez partir. Pourquoi? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, tout. Putain, merde, c'est la merde. Bon, quittez pas, je vous laisse, ciao, salut, jeune. Et à bientôt. Oula. Bah, ça doit être un mec qui a dû tirer l'autoradio de la fusée, je sais pas. Oui, ça doit être ça. Bon, enfin, en tout cas, quand la dichon est chalée, mais que le travail est bien fait. Eh bien, nous avons trouvé, nous, le numéro de téléphone de celui qui s'occupe d'entretenir, de la société qui s'occupe d'entretenir tout le parc de fusées. Vous savez qu'en France, il y a un parc de fusées pour Ariane. Et bah là, c'est celui du monde entier. C'est pas je crois qu'on est en ligne d'ailleurs. On est en train de composer le numéro. Ah, on compose le numéro, c'est d'accord. C'est à l'étranger, donc ça prend un peu de temps. Bonjour, c'est le garage Germain. Nos ateliers sont actuellement fermés pour cause d'exil. Dorénavant, pour nous joindre, ça va pas être facile. T'as le passeport pour les maquis, là? Ah, c'était... On était en... Ouais, on était en... Pouvez rappeler le répondeur du garage Germain, s'il vous plaît? C'était donc ça. C'est pas lui aussi qui s'occupait d'entretenir tout ça, non, quand même. Non, c'est Sylvain qui a fait une connerie. Mais non, t'as fait une connerie, t'en rappelons parce qu'ils sont sur répondeur. Sur répondeur, quand même, c'est l'alu, ça. C'est bizarre. Plus, ils ont pas de répondeur, le garage Germain. Bah, si, il avait un répondeur. Bonjour, c'est le garage Germain. Nos ateliers sont actuellement fermés pour cause d'exil. Ah, c'est fermé? Dorénavant. Oui, c'est fermé. Pour nous joindre, ça va pas être facile. Mais comment... Le répondeur qui répond. Écoutez, je ne me lasse pas de ce répondeur. Pouvons-nous rappeler une dernière fois, s'il vous plaît? Il ferme exceptionnellement, quand même. Faut vraiment qu'il ait eu de gros problèmes pour fermer. Hein. Bonjour! C'est le garage Germain. Nos ateliers sont actuellement fermés pour cause d'exil, on vous a dit. C'est pas vrai. Dorénavant, pour nous joindre, ça va pas être facile. Et comment on fait pour la Clio? Tu te démerdes! Me casse! 6h10, Koé sur Europe 2 pour vous changer le réveil.